Paris Match. Souhaiter la bonne année. Boire du thé en levant le petit doigt. Faire de la variété. Applaudir, s'excuser ou se retenir. Recevoir la Légion d'honneur. Manger des petits fours. Les bonnes manières. Le consensus mou. Le politiquement correct. C'est pas QSL. C'est le facteur. Ça c'est QSL. Passez par derrière. On s'en fait que ça. Partir avant l'heure. On s'en fait que ça. Casser ses pattes arrière. Ça fait que ça. Les patins sur les parquets. La guimauve à la névrorie. Demander la permission ou bien baisser la tête. S'incliner. Avoir des bonnes notes. Être gardien de but ou bien sortir le savon. Ça. Ça c'est pas QSM. C'est pas QSM. Allez là, Être content de sa crotte. Ça c'est QSM. Taper à coups de batte. Ça c'est QSM. Marquer avec sa bite. C'est QSM. Marcher à quatre pattes. C'est QSM. Le café en sucrète. C'est pas QSM. Laissez la priorité. C'est pas QSM. Donnez pour les pieds jaunes. C'est pas QSM. Votez Sarko. C'est pas QSM. Faire des heures sup. Elle a fait s'endormir après une grosse lecture dans le vide ordure. Ça c'est QSM. Oh ça c'est QSM. Ça c'est QSM. Quartelite de Vinas. Ça c'est QSM. La basque est à basse. Ça c'est QSM. Chier sur la lunette. Et ça c'est QSM. Montrer sa quéquette. Ça c'est QSM. Pomper le torse. Oh, ça c'est QSM. Cracher dans la soupe. Oh, ça c'est QSM. Puer la sueur. Oh QSM. Encore, tu fermes ta grande gueule.